lady, lay, lay across my big breast bed. Mais j'ai tapé dans le chat. C'est ça le truc. Whatever colors you have. Ah non, bâtard, je t'ai pas donné la bonne adresse, c'est pour ça. C'est 2050 le site, pas 2051. T'as entendu? You hear me when I talk, Odialit? Do you hear me? Yeah, I can hear you. I can't understand your French though. I'm English. Sorry, mate. Yeah, that's fine. Okay. So how does it work? I just have to play with you and it's okay? Okay. But I'm helping a friend to join us. Yeah, please. Ouais, je suis là. Tu t'es mis en anonyme là? Mais non, je t'ai dit le. Attends, je te refile. En fait, tu vois l'adresse que je t'ai envoyée tout à l'heure. I'll leave you to it while you get him sorted. Et ben en fait, c'est la même, sauf que c'est pas 2051, c'est 2050. Je me suis gouré. Voilà.